بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل في السؤال 60. 60 كيستيون. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: في هذا الزمان توسع الناس في قضية الأسماء، فأخذوا يسمون أبناءهم بأسماء غريبة تارة، وبأسماء مأخوذة من القرآن الكريم تارة، وبعض هذه الأسماء قد يكون فيها تشبه بالكفار، فما قولكم حفظكم الله في ذلك؟ قد انترجي qu'il a dit qu'en cette époque les gens sont grandement élargis dans ce qui touche à la nomination, les prénoms. Certains se sont mis à nommer leurs enfants par des noms étranges, et d'autres par des noms pris du Coran, et d'autres par des noms qui relèvent de la ressemblance au kuffar. Donc quel est votre avis par rapport à cela? فَأَجَابَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى نَعَمْ هَذَا حَاصِلٌ فَقَدْ عَدَلَ النَّاسُ عَنِ الْأَسْمَاءِ الْقَدِيمَةِ وَعَنِ الْأَسْمَاءِ الْحَدِيثَةِ الْمَعْرُوفَةِ إِلَى أَسْمَاءِ جَدِيدَةٍ غَرِيبَةٍ. Donc il a dit نَعَمْ, c'est une chose qui est réelle, qui se déroule, que les gens se sont détournés des anciens prénoms et des prénoms connus pour aller vers des noms nouveaux et étranges. وَبَعْضُهُمْ صَارَ يُسَمِّي أَبْنَاءَهُ بِمَا يَخْتَصُّ بِالْقُرْآنِ مِثْلَ بَيَانٍ وَقُرْآنٍ وَفُرْقَانٍ وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّي مَلَكٌ أَوْ مِلَاكٌ مَلَكٌ أَوْ مِلَاكٌ مَلَكٌ بُدِيَ لَدُ وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّي أَبْرَارٌ وَأَنْفَالٌ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Donc il a dit certaines personnes se mettent à nommer des gens, leurs enfants, par ce qui est spécifique au Coran, par exemple Bayan et Furqan. Bayan et Furqan sont deux noms parmi les noms du Coran. Ou d'autres nomment leurs enfants Malak, qui veut dire ange, et autres. Et d'autres qui nomment leurs enfants Abrar. Abrar, ce sont les pieux. Mais à la base, c'est un nom pluriel. Et Anfal. Anfal qui est traduit par le butin. Car c'est le nom d'une sourate dans le Coran, comme vous le savez. فَمَا شَبَهَا مَا نَهَا عَنْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمُ أَوْ غَيِّرَهُ فَإِنَّهُ يُنَهَا عَنْهُ وَيُغَيِّرُ. Donc il a dit, ce qui ressemble à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, alors faut le changer. Il faut le changer. وَمَّا مَا لَمْ يَنَهَا عَنْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمُ وَلَمْ يُشَابِهْ مَا نَهَا عَنْهُ فَإِنَّ الْأَصْلُ فِيهِ الْحِلُّ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَفْهَمَهَا هِيَ أَنَّ الْأَصْلُ فيما عدا العادات الحل سواء في العادات أو المعاملات أو المأكولات أو المشروبات أو المنافع أو غيرها فالأصل فيها الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. Donc il a dit, tout ce qui n'a pas été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui ressemble à ce qu'il a interdit, alors il faut savoir que la base c'est la permission. Et là il y a une règle importante à connaître pour ceux qui désirent la science et qui comprennent, c'est que la base dans les choses qui ne sont pas liés à l'adoration, la base dans les choses mondaines et autres, c'est la permission. Qu'il s'agisse des coutumes, qu'il s'agisse des rapports et relations et échanges, qu'il s'agisse de la nourriture, boisson, et tout ce qui profite dans ce bas monde et autres, la base dans ces choses-là, c'est la permission. Tant qu'on n'a pas un dalil qui l'interdit. C'est une chose importante à comprendre. Amma al-ibadat fal-aslu fiha al-mana. Il est maqamé un dalil à la mashru'iyatiha. Quant aux adorations, là-bas, c'est qu'elles sont interdites tant qu'on n'a pas un dalil qui montre qu'elles sont permises et qu'elles sont légiférées. C'est-à-dire qu'on n'a pas qu'une chose nouvelle pour adorer Allah si on n'a pas une preuve qui indique que cela est légiféré. قال فمثلا اسم بيان لا ينبغي التسمية به لأن بيان من أسماء القرآن وهذه المرأة ليست بيانا. Il dit par exemple le fait de nommer par le prénom Bayan, cela ne convient pas, car Bayan, c'est parmi les noms du Coran. Et cette femme n'est pas un Bayan. Car généralement, ils appellent Bayan les filles. وكذلك أيضا أبرار فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب وإلى جوهرية إلى جويرية فأبرار أولى بالتغيير لأن برة مفرد مؤنث وأبرار مذكر جمع. Et كذلك le nom أبرار qui est un mot dans le Coran. D'accord. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a changé le nom de la sahabi qui s'appelait Barra, et Barra c'est le féminin singulier, alors que Abrar c'est le pluriel masculin. Donc il a changé le nom de Barra à Zainab ou Jouairia. Donc il a dit, s'il a changé Barra qui est le féminin singulier Alors, abrar, qui est le même mot, le même sens, mot masculin, pluriel, c'est la même chose. وكذلك إيمان أيضا لا يسمى به وكذلك أسماء الملائكة لا يسمى بها عند بعض العلماء مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل. Donc ce nom est Iman, comme on l'avait déjà parlé auparavant dans les cours précédents. Il ne faut pas se nommer de la sorte, ou le nom des anges. Il dit que certains ulama voient qu'il ne faut pas se nommer de la sorte. Et lui, on a vu qu'il voyait que c'était détestable. Comme les prénoms Jibril, Mikaïl et Israfil. قال والأحسن أن يرجع الكتاب تحفة الورود أو تحفة الودود بأحكام المولود لابن القيم فقد ذكر فيه شيئا مفيدا في هذا الموضوع. Et le meilleur, c'est de revenir au livre de تحفة الودود بأحكام المولود, c'est-à-dire les règles du nouveau-né de Ibn al-Qayyim, car il parle beaucoup de cela, ce qui touche à, au prénom qu'on donne à l'enfant. Naam. على الذي قمنا اليوم فالحمد لله رب العالمين.